On va parler de golf avec notre ami Michel Lallemand. Salut Michel. Bonjour Danny. Michel, qu'est-ce qui se passe-t-il à Chicoutimi? Ça doit commencer être tranquille, là, hein? Ah oui, c'est très tranquille, là. Depuis là, la fête du travail, là, les gens reprennent beaucoup plus les activités d'automne. Les jeunes reprennent les classes et leurs loisirs, donc les parents ont un peu moins de temps pour le golf. La température aussi est souvent plus difficile. Donc, on entreprend le dernier droit. Demain soir, on a un tournoi de nuit. On profite du relais pour la vie. Samedi, on a un tournoi pour la catégorie des 50 ans et plus. La semaine prochaine, on reprend un tournoi qui avait été cancellé en début de saison. Okay. Donc, un tournoi pour les membres et les non-membres. Et samedi le 24, ça va être le tournoi du président qui va clore les activités okay. 2016. La semaine passée, il a fait tellement beau. Est-ce que ça a paru sur le monde? Ben, disons, chez nous, on n'a pas beaucoup de visiteurs. Okay. Malgré que localement, il y a beaucoup plus de gens qui sont venus jouer. Ouais. On avait deux petits tournois amicaux. Donc, les membres en ont profité. Et effectivement, les conditions... étaient des conditions du mois de juillet, là. Ouais, 24-25, beau soleil, très belle fin de semaine. OK, OK. Y a-t-il eu des trous d'un coup dernièrement à Chicoutimi? On a eu deux au cours de la saison. OK. Le dernier remonte au mois d'août, dans le cadre de notre tournoi du Super Calcutta. Et sinon... c'est tranquille de ce côté-là aussi. OK, OK. Ben, ça fait pas mal le tour pour cette semaine, Michel. Évidemment, ça achève, là. Fait que ça fait le tour pour cette semaine? Oui, ça fait le tour pour la semaine, puis bonne fin de semaine. On s'en reparle la semaine prochaine. Donc, le directeur général du club de golf de Chicoutimi, Michel Lallemand. Merci, Michel.